Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, tous invités vous sur la mise en onde de ce journal dont voici les grands titres. Le conseiller principal en communication du président de la République a échappé hier soir à une attaque armée près de chez lui à Kajaga, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Willy Nyamitwe a été blessé alors que l'un de ses gardes du corps a été tué dans cette attaque. Nous aurons des précisions données par le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye. Et dans un communiqué publié sur son site web, le gouvernement du Burundi déclare que cette tentative d'assassinat est sur le dos de Pacifique Ninahazwe et son équipe. Et la plateforme de l'opposition Sénared appelle le pouvoir du Burundi à adhérer aux négociations interburundaises dirigées par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa pour l'intérêt du pays. Onésime Nduwimana, un des vice-présidents du Sénared, estime que le processus est au point mort à cause de Bujumbura. Et plus de 9000 ménages des communes Bwambarangwe, Kitobe et Busoni de la province Kirundo seront bientôt raccordés à un réseau électrique. Ce projet d'électrification rurale annoncé par le ministre en charge de l'énergie ce lundi à Bwambarangwe coûtera 41 milliards de francs burundais. Et dans la chronique santé, ce mardi, Dr Constantin Nyamuzangura nous parlera de la crise cardiaque. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Le conseiller principal en communication du président de la République a été attaqué par des hommes armés la nuit dernière près de chez lui à Kajaga, en commune Mutimbuzi. Le porte-parole de la police confirme que Willy Nyamitwe a été blessé au bras et qu'un de ses gardes du corps a été tué dans cette attaque. Joseph Sabiyabandi. Selon le porte-parole de la police, l'embuscade a eu lieu tout près de son domicile à Kajaga, lorsque son véhicule quittait la route principale pour s'engager vers sa résidence. Pierre Nkurikiye précise que cette opération a été menée par un groupe estimé entre 5 et 10 criminels armés de fusils et de grenades. Au porte-parole de la police d'ajouter qu'un suspect est déjà dans les mains de la police. Il y a un militaire caporal qui a été déjà appréhendé, qui s'appelle Nduwimana Jean-Claude. Il avait été appréhendé en détention de deux fusils pistolets et il avait dit qu'ils avaient pour mission d'assassiner le conseiller et que la mission était commandée de Kigali. Il y avait même un militaire rwandais qui était dedans, mais aussi des Burundais qui sont basés à Kigali. Le caporal a indiqué que les ordres et les moyens devaient transiter par un colonel de l'armée qui s'appelle Dushima Gizedio Donné, alias Gang, lui-même dernièrement appréhendé et maintenant en prison. Et c'est lui donc qui devrait organiser les exécutats ici sur le terrain et les coordonner. Les deux ont été appréhendés et les autres, on était en train de les poursuivre. Même si on n'a pas pu empêcher la tentative d'assassinat d'hier, la police était déjà sur piste. À la question de savoir si l'accusation du Rwanda dans cette affaire n'est pas hâtive, vu la fraîcheur des faits, Pierre Nkurikiye répond. La part de ce pays dans la déstabilisation de notre pays, on a fait beaucoup de communication avec des preuves à l'appui, déjà qui avaient été appréhendés et qui avaient tout dit. Et quant à ces attentats, ce sont des attentats qui sont commis pratiquement par les mêmes gens et avec le même modus operandi, donc commandité de Kigali. Et ce que je viens de vous dire, ça ressort des déclarations du caporal qui a été appréhendé et qui a tout dit. Willy Nyamitwe échappe à un troisième attentat en un peu de temps. Du moins, c'est le dire du porte-parole de la police. Merci Joseph. Dans un communiqué posté sur son site web, le gouvernement du Burundi accuse Pacifique Ninahazwe et son équipe, sans préciser qui, d'être les commanditaires de cette tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe. Et des coups de feu ont été également entendus au campus Mutanga de l'Université du Burundi le soir de ce lundi. La police chargée de la sécurité au campus voulait sauver un voleur qui allait être tué par les étudiants qui voulaient se faire justice. Et cela s'ajoute au cas d'un étudiant attrapé jeudi passé au même campus qui a été battu jusqu'à se trouver la mort après quelques jours. Certains étudiants déplorent ce comportement, disant que cela est lié au manque de représentants élus qui devraient intervenir dans ce cas. Les détails avec... C'était aux environs de 21h du soir de ce lundi. Un voleur a été attrapé dans les halls universitaires. Les étudiants l'ont battu jusqu'à faillir succomber à mort. La police chargée de la sécurité au campus a tiré en l'air en vue de disperser les étudiants qui allaient se faire justice. Le directeur adjoint de la régie des œuvres universitaires chargé de la sécurité dit que le voleur était dans un état critique et qu'il était nécessaire de tirer en l'air en vue de disperser les étudiants. Une personne s'est introduit dans le pavillon homme pour les garçons. Il avait déjà commencé à voler des téléphones qui se trouvaient dans la chambre essuyée. Il a été surpris dans une seconde chambre. D'un coup, il a pris l'orage vers Nyakabiga et finalement, il a été appréhendé sur le terrain. On a dû tirer une barre. Au PCS, Célestin Nibona Bonansizé, qui conseille les étudiants d'abandonner, de se faire justice, dit que cela s'ajoute à un autre cas de vol de jeudi passé où un étudiant a succombé suite au coup lui infligé par les étudiants. Il s'agit effectivement de l'étudiant. Suite à la colère des étudiants, il a reçu les coups, c'est blessé le volontaire. Et selon les informations de la famille, l'étudiant Gapero Enos a succombé samedi soir. Certains étudiants déplorant le comportement de se faire justice disent que cela est lié à l'absence de représentants élus rassurants pouvant intervenir en cas de besoin pour éviter une telle situation. Je ne suis pas pour cet acte. Cet acte est vraiment déplorable. Il faut qu'il y ait les étudiants qui soient patients envers les voleurs. Les représentants n'ont pas été élus par les étudiants eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas de crédibilité envers les étudiants. Ils ont été nommés. Le directeur adjoint de la régie des œuvres universitaires chargé de sécurité dit qu'une représentation provisoire a été mise en place en attendant l'élection des représentants effectifs par les étudiants. Merci Alain Désiré Oukayeneze. Et la plateforme de l'opposition Sénarède estime que le gouvernement de Bujumbura est responsable de la non-évolution des négociations inter-burundaises dirigées par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Onésime Douimana, un des vice-présidents du Sénarède, affirme que ces pourparlers doivent avoir lieu pour sortir de la crise et appelle le pouvoir à y adhérer pour l'intérêt du pays. Suivez Onésime Douimana. Je crois que le monde ne cesse de s'étonner de combien le pouvoir de Bujumbura traîne les pieds et manque ce courage de regarder l'autre monde en face. Alors il ne faudrait pas parler est-ce qu'il y a crise de confiance ou pas, mais c'est plutôt le pouvoir de M. Nkurunziza qui ne se fait même pas confiance pour oser venir dire à Mkapa « J'ai la vérité, je suis dans le droit chemin ». Donc je vais affronter mes compatriotes pour préparer un issue de sortie pour le peuple burundais. Nous attendons toujours, nous supposons que Mkapa, et malgré les difficultés qu'il a, qu'il continue ses consultations, et nous l'attendons pour qu'il vienne aussi nous consulter, et finalement qu'ensemble, on trouve comment commencer et continuer ces pourparlers qui ne devraient même pas prendre plus d'un mois. En ce qui concerne la CNDI, ça c'est une fabrication locale. Mais quand est-ce que vous comptez pouvoir converger avec Bujumbura pour qu'enfin la population puisse recouvrer la paix totale? Même si aujourd'hui ils reprennent conscience et qu'ils viennent demain, nous sommes prêts à l'aider à se lever et finalement c'est tout le Burundi qui va en profiter. Et ce rendez-vous, tôt ou tard, il aura lieu. Et je pense que Bujumbura a intérêt de se décider avant qu'il ne soit tard parce qu'ils ont tout à perdre. C'était Onésime Douimana, un des vice-présidents du Sénared, au téléphone avec Léonce Huitariho. Et Maître Armel Nyongere, en Burundais, président de l'Organisation contre la torture, a été nommé ce samedi à l'Assemblée générale de l'Organisation contre la torture, une organisation de droit suisse. Pour rappel, cet avocat est l'un des quatre avocats burundais révoqués par la justice burundaise pour avoir collaboré avec certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme dans la production des rapports sur des violations des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015. Et quant à son organisation, ACAT Burundi, ACAT, c'est une organisation catholique pour l'abolition de la torture. C'est l'une des cinq organisations de la société civile radiée par le ministère burundais de l'Intérieur. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et un rectificatif pour poursuivre ce journal. ACAT, ce n'est pas une action catholique, ce n'est pas une organisation catholique, mais c'est plutôt Action pour l'abolition de la torture. Et c'est une organisation au Burundi. Santé pour suivre ce journal. Les parlementaires peuvent concevoir et amender des lois pour faire en sorte que les meilleures politiques soient instituées afin d'accompagner les personnes vivant avec le VIH-Sida et prévenir de nouvelles infections. Ceci a été dit lors d'un atelier organisé par la Première Dame du Burundi ce mardi 29 novembre dans le cadre de la mobilisation des parlementaires, sénateurs et gouverneurs des provinces sur l'implication des leaders politiques dans la lutte contre le VIH-Sida pour atteindre un développement durable. Didier Niyonzima. Dans cet atelier, la première dame du Burundi, Denise Nkurunziza, a exhorté les parlementaires, les sénateurs et les gouverneurs des provinces à sensibiliser la population sur la prévention du VIH-Sida, étant donné que leur contribution est pertinente. Nous demandons à ce que chacun d'entre vous, surtout vous, les élus du peuple, qui passez beaucoup de temps avec la population, de multiplier les efforts. Ensemble, nous avons compris que notre contribution est pertinente et nous apprécions ce que vous avez déjà réalisé en sensibilisant la population. Mais aujourd'hui, je voudrais encore solliciter tout le monde, chacun dans ses responsabilités, d'intensifier les efforts, car nous venons de voir qu'il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre le sida. Alors, je voudrais demander de sensibiliser les gens à faire le dépistage volontaire pour que chaque personne connaisse son état de santé. L'honorable Jean Bosco Mohungu, député élu dans la province de Rutana, qui est l'un des participants dans cet atelier, indique que suite à cette mobilisation à l'endroit des leaders politiques, les députés vont pouvoir élaborer des lois qui vont plaider en faveur des malades du sida et qui vont contribuer à lutter contre cette pandémie. Le représentant de l'ONU-SIDA au Burundi qui était présent dans cet atelier a fait savoir que le Burundi est parmi les 6 pays de l'Afrique subsaharienne qui ont réduit à 84% de 2009 à 2015 la transmission mère-enfant du VIH-SIDA. Malgré cela, les participants dans leurs interventions ont réitéré l'importance de continuer à faire la sensibilisation sur la prévention du VIH-SIDA. Merci Didier Niyonzima. Certains des vendeurs ambulants s'inquiètent parce que la société coopérative des vendeurs solidaires au Burundi, œuvrant au quartier Kamenge à mairie de Bujumbura, veut leur soutirer une contribution. Et ces vendeurs y voient de l'escroquerie. Ils demandent aux autorités en charge d'agrément de ces organisations de vérifier si cette société est agréée. Suivez un de ces vendeurs, il a été traduit par Yves Onziman. Ngorane dufise ni nk'ikibazo twashaka gushikiriza ku makenga dufise yuko ijyanye n'ishyira hamwe cyaje cyitaho abavandere bajya batembereza mu ibarabara. Nous voulons soulever notre inquiétude en rapport avec l'association qui veut promouvoir les vendeurs ambulants. C'est une association appelée Skovesobu, œuvrant à Kamenge, tout près du bar Iwabo Nabantu. Ils nous ont donné une invitation pour participer à une réunion du 13 novembre. Dans cette réunion, ils nous ont dit qu'ils veulent que nous travaillions dans la légalité en payant l'impôt. Ça fait quelques jours qu'ils collectent une contribution de 20 000 francs pour l'association. Nous avions accepté de donner cette contribution de 20 000 francs par an, mais nous avons des inquiétudes parce que nous sommes captifs. Tout le temps, nous pensons que cette association n'est pas agréée par la mairie. Ils nous ont dit qu'ils ont été agréés par la mairie de Bujumbura. Si nous payons cette somme de 20 000 francs, il n'y aura aucun problème parce qu'ils vont nous donner des badges et une reçu attestant que nous avons payé cette somme de 20 000 francs. Il y en a parmi nous qui ont déjà payé. Nous voulons savoir si cette association est agréée pour ne pas être escroquée. Voilà, vous saurez que la mairie de Bujumbura ainsi que le ministère en charge de l'agrément de telles organisations font savoir qu'ils ne connaissent pas cette société. Certains travailleurs domestiques réunis au sein de l'association Twite Zimbiri se lamentent aussi contre la mesure prise par le collectif des associations des travailleurs domestiques et des employeurs KT de Burundi de les obliger d'acheter par force une carte dite de service. Il demande aux autorités administratives de revoir cette mesure. Yves Monzimane. Ces frais exigés à ces travailleurs domestiques varient entre 7000 francs et 8500 francs bout et sont destinés à acheter une carte de service. Ils indiquent qu'ils ne sont pas à mesure de les payer parce que cette carte coûte très cher. Le vice-président de l'association Twité Zimbere affirme qu'ils ont adressé une lettre au ministère de l'Intérieur en vue de réduire le prix de cette carte à 2000 francs bout, mais jusqu'à présent, une réponse ne leur a été donnée. Vu le salaire que nous percevons aujourd'hui, 8500 francs bout par domestique, c'est beaucoup. Nous avons adressé une lettre au ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse réduire le coût de la carte à 2000 francs bout. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse. Nos inquiétudes se trouvent au niveau des policiers qui nous emprisonnent et qui nous obligent de payer 8500 francs bout. Les uns payent et les autres ne payent pas. Il y a même ceux qui ont été conduits dans leur province natale. Nous voulons donc un éclaircissement sur cela. Par exemple, si tu perçois 15 000 francs bout par mois, tu es obligé de payer 8 500 francs bout. Alors, il y a d'autres cotisations mensuelles que tu devras payer. C'est donc une violation de nos droits. Selon le représentant du collectif des associations des travailleurs domestiques et employeurs du Burundi, Kate Dansigre, cette carte est délivrée dans le but de lutter contre la délinquance de certains malfaiteurs qui se cache des lieux et des travailleurs domestiques. Ni projet. Il s'agit d'un projet effectué entre les travailleurs et les employeurs dans le but de lutter contre la délinquance. Si la police décide de vérifier tous les travailleurs domestiques, nous ne pouvons pas s'ingérer dans leurs fonctions. C'est leur travail. Nous, nous avons seulement donné cette carte. Le reste appartient donc à la police. Ces travailleurs domestiques demandent aux autorités administratives de suspendre cette mesure. Et sur cette exigence d'avoir une carte de service, le porte-parole de la police dit qu'aucun policier n'a reçu l'ordre d'arrêter les domestiques qui n'ont pas cette carte. Pierre Mouriquier invite toute personne qui aurait payé une amende sur accusation qu'elle n'a pas acheté cette carte de se rendre au poste de police de son quartier ou zone pour demander que son argent lui soit restitué. Je vous l'avais dit, plus de 9000 ménages des communes de Bgambarangwe, Gitobe et Wusoni de la province de Kirundo seront bientôt raccordés à un réseau électrique. C'est le ministre en charge de l'énergie et des mines qui a fait cette annonce lors du lancement officiel ce lundi du projet d'électrification rurale qui coûtera 41 milliards de francs burundais. Le ministre Komman Irakiza a précisé que les propriétaires des parcelles où seront construits des poteaux de relais recevront des indemnisations. Reportage d'Alida Ndaikeza, de retour de Bgambarangwe. Nous sommes au stade de Bgambarangwe de la province Kirundo. Une joie caractérise les habitants de cette localité au moment du lancement officiel du projet d'électrification qui va toucher les provinces de Kirundo, Muyinga, Ruyigi et Rutana. Dans la province de Kirundo, le projet va commencer dans les trois communes, à savoir Bgambarangwe, Gitobe et Wusoni. Comme Manirakiza, ministre de l'énergie et mines, dit que ce projet est une contribution au développement. L'objectif de ce projet que nous venons de lancer et d'aider la population de ces communes à se développer. Même des gens qui n'ont pas d'emploi vont en bénéficier. Cela va amener les familles respectives de ces travailleurs d'en tirer profit. Ce ministre fait savoir que des indemnités seront données aux propriétaires pour l'usage de leurs parcelles. Pour mettre en œuvre ce projet d'électrification, il y aura des exigences parce que les fils conducteurs du courant passeront certes dans des parcelles. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État a déjà prévu une indemnité. Il y a eu une étude qui montre la traçabilité de ces fils conducteurs et le montant des indemnités est prévu. Nous vous tranquillisons et demandons votre collaboration avec les autorités. Ce projet sera exécuté en 32 mois. L'électrification de ces trois communes connaîtra une augmentation de 0 à 22% jusqu'en 2020. Radio Isanganiro Chronique. Et comme annoncé dans les titres, nous terminons ce journal par la chronique santé comme tous les mardis. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous parle de ce que c'est qu'une crise cardiaque. Cette maladie, dont la douleur est soudaine et intense à la poitrine, peut causer la mort d'un patient qui ne se présente pas à l'hôpital avant 12 heures. Francine Ndihokougayo. Appelé infarctus du myocarde dans le jargon médical, la crise cardiaque survient quand une artère du cœur se trouve soudainement fermée ou bloquée par un caillot de sang, comme le définit le cardiologue Constantin Nyamuzangura. La crise cardiaque, c'est une appellation commune dans le langage courant, qui est en fait une mort des cellules du cœur, qui est dû à un défaut d'apport de sang dans une zone du cœur et du coup ça entraîne la mort des cellules et le cœur ne se contracte plus comme il faut. Les maladies cardiovasculaires figurent parmi les principales causes d'une crise cardiaque. C'est essentiellement les maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension, le diabète, ces maladies avec ce qu'on appelle l'athérosclérose qui est en fait une accumulation de graisse au niveau de la lumière des artères qui alimente le cœur et c'est essentiellement ces causes-là par des mécanismes d'obstruction et de spasme de ces artères qui entraînent une obstruction et donc un non-passage de sang vers les organes, les cellules du cœur. La crise cardiaque se manifeste généralement par une douleur brutale et durable au niveau de la poitrine, selon toujours le cardiologue Nyamuzangura. Habituellement, elle se présente par une grosse douleur au niveau de la poitrine, une douleur qui est très violente, qui est très spontanée, qui est angoissante. Les personnes ont l'impression qu'ils vont étouffer ou qu'ils vont mourir. Et c'est une douleur également qui va irradier, c'est-à-dire qui va aller vers le cou, qui va aller vers les épaules, qui va aller vers les membres supérieurs et surtout la main gauche. Et habituellement, la personne se souvient de cette douleur parce qu'elle a vraiment l'impression qu'elle va mourir. Les douleurs ressenties quand on a un infarctus du myocarde ou la crise cardiaque, c'est une grosse douleur. Le patient, il la sent et parfois, il est dans l'incapacité de parler, mais en général, c'est lui-même qui transmet, qui dit qu'il a fait un malaise ou une grosse douleur thoracique. Ça, c'est vraiment dans la forme typique. Mais on peut avoir effectivement des formes, disons, moins typiques, des patients qui ont une douleur thoracique à type de malaise qu'ils peuvent banaliser. Mais en général, la crise cardiaque, c'est quelque chose qui est ressenti et qui est transmis par le patient lui-même. Le docteur Nyamuzangura nous présente les deux catégories de facteurs de risque de l'infarctus du myocarde. Il y a deux catégories, des facteurs de risque dits non modifiables, comme l'âge, les patients qui dépassent un certain âge, disons, après une quarantaine d'années. Le sexe, dans les études réalisées, on retrouve plus d'hommes que de femmes. Et l'hérédité, donc c'est des facteurs donc qui peuvent être à l'origine des facteurs de risque de faire un infarctus. C'est-à-dire, si dans la famille du premier degré, il y a quelqu'un qui a fait un infarctus, si les parents ont fait un infarctus, si les frères ou sœurs ont fait un infarctus, bien évidemment, il arrive souvent qu'on peut faire également l'infarctus. C'est des facteurs de risque modifiables comme le cholestérol qui traduit en fait les graisses au niveau du sang. C'est la consommation de tabac. C'est les maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle. L'une des principales complications d'une crise cardiaque est qu'elle peut emporter la vie du patient s'il n'arrivait pas à l'hôpital avant 12 heures. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous parlera des autres complications et du traitement de cette maladie dans notre prochaine chronique santé. Merci Francine, merci docteur Constantin. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Toussaint pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.